même regarder le ciel changer de couleur. Un jour il est bleu, un autre il est gris. Un homme fort s'est forgé dans la douleur. Pour créer de la magie, il faut une synergie. Je leur mets la misère comme Asensio. Flot glacial tard le champ des signes. Tout ce qu'ils m'ont raconté me paraît faux. Mes vampires aiment boire le sang d'ennemis. Y en a eu d'autres avant, y en aura d'autres après. Ainsi va la vie, l'aiguille tourne ma même. On n'a pas douté, tu voulais quoi d'autre? Je me couche en écoutant les oiseaux. J'aurais la maille sans donner mon fiac, sans croquer mon âme, sans que ça parle, sans truquer mon rap. Il faut que tu captes, enculé on frappe. Tu sais qu'on est cap, qu'on est apte à niquer vos stats. Il va falloir que je m'en mêle ou quoi. J'ai écrit quelques lines, ils m'ont dit fais nous voir. Au TX, toi t'emballes dans le cellophane. Toi tu veux la fame, t'envoies des mélomanes. Y'a tellement de projets, mais faut les faire éclore avant que ça tombe à l'eau. Rafler tous les trophées, rafler tous les trophées. Péter le score, je leur ferai aucun cadeau. Je me sens pas épaulé, je me sens pas épaulé. Mes frangins, je n'ai que faire de cette bande de salauds. Reprendre ce qu'on m'a volé, tous les affolés. C'est juré, c'est promis, fils de j'ai pas fini. C'est minimum le milli. Ouais, le move, je m'en bats la rage. Prends la maille et je lui claque dans la face. Minimum le milli. Cette fois pas de mascarade, on est venu, on l'a fait en ce mal-là. Minimum le milli. Je fais de l'or de mon arc, claque la porte et je pars prendre ma part. C'est minimum le milli. Cette fois pas de mascarade, on est venu, on l'a fait en ce mal-là. Calmos, tout doux, tout roule. J'avoue, j'ai fumé beaucoup de bœufs, beaucoup de bière, dry, beaucoup de tourou. Mat, Iblis, roucoul. Bande de bouffons, je me barre dans une tente avec des sales hippies, tout cool. Tu veux que le vice me piège dans un drôle de penchant? Qu'on laisse de tristes miettes à nos pauvres enfants? On va le faire nous-mêmes, personne va nous venger. On restera nous-mêmes, personne va nous changer. Paraît que ma smala est morte et qu'on n'en parle plus. Ils pourront se gratter le cul quand on sera revenu. Ça a beaucoup parlé, mais on n'a rien vu. Non, je viendrai pas si je suis pas bienvenu. On fume la frappe, oui, et elle est bien locale. La vie, c'est tapis, même c'est pas plein aux as, j'suis coulant dans ma def, arrêtez ces vouloirs. Ce trou blanc, la terre, la cinquième, les trous noirs. J'perds mon temps, je perds mon souffle, j'sens la crasse venir. Y'avait des trucs, mon amour, je n'osais pas te dire. C'est pas grave, y'en aura d'autres après, tu trouveras. Un jour le flow parfait, garde une bonne conduite, ça t'attend au tournant. Mon équipe arrive, vas-y, va-t'en en courant. Les gars, les attentats, nique les collabos. Y'en a déjà eu, sûrement qu'y'en aura d'autres. J'm'en bats la race, y'en a d'autres qui viennent juste après moi. Plus je descends vers les bas-fonds et plus mon âme est noire. J'ai des coups de chaud et des sueurs, froides comme un alcoolique. Ouais, quand j'vois les humains, je prends la foi comme un catholique. T'arrives pas à sortir de chez toi, tu veux grimper l'Everest. 4-5 bars sur un des miens était en PLS. T'es dans la merde, ton salaire couvre un quart de loyer. J'ai l'impression quand j'écris, je perds une part de moi-même. J'ai vidé mon sirop, je suis prêt pour aller faire la sieste. On est tous destinés à pleurer sur la perte d'un proche. Direction Emirdak, putain, je suis pas dans mon assiette. Je crains plus les défaites, elles m'ont aidé à être un homme. Y'a tellement de projets, mais faut les faire éclore avant que ça tombe à l'eau. Rafler tous les trophées, rafler tous les trophées. Péter le score, je leur ferai aucun cadeau. Je me sens pas épaulé, je me sens pas épaulé. Mes frangins, je n'ai que faire de cette bande de salauds. Reprendre ce qu'on m'a volé, tous les affolés. C'est juré, c'est promis, fils de j'ai pas fini. C'est minimum le milli. Ouais, le move, je m'en bats la rage. Prends la maille et je lui claque dans la face. Minimum le milli. Cette fois pas de mascarade, on est venu, on l'a fait en ce mal-là. Minimum le milli. Je fais de l'or de mon arc, claque la porte et je pars prendre ma part. C'est minimum le milli. Cette fois pas de mascarade, on est venu, on l'a fait en ce mal-là.